conduit au paradis. Et le curé, dans son plumard, s'arracha cet horrible cauchemar. Il marche dans la foule, un jeune beurre lui propose de prendre le thé à la menthe. Plus loin, un baba cool l'arrête et lui expose l'idéologie non violente. Et le skinhead, dans son plumard, s'arrache à cet horrible cauchemar. Table en main, il prend le chemin de l'école. C'est une belle journée printanière. L'air est si enivrant qu'il lui vient l'envie folle d'aller faire l'école buissonnière. Et l'enseignant, dans son plumard, s'arrache à cet horrible cauchemar. Une jolie brune, il lui demande l'heure, elle le traite de céphalocrate. En l'année 3001, il ignore quelle erreur, que les femmes sont devenues télépathes. Et le macho, dans son plumard, s'arrache à cet horrible cauchemar. Transat, au camping 2 étoiles, il se baffe de frites et de moules. Il traîne la savate, guinche dans les petits bals, boit de la bière et joue au boule. Et l'aristo, dans son plumard, s'arrache à cet horrible cauchemar. Il entend brailler sur les tunnels, ce nouveau méga mix nul à chier. Ce magma rebutant, ce sont ses propres vers qu'ils ont réduits en viande hachée. Et le poète, dans son plumard, s'arrache à cette